très bon début de soirée sur Fadjet. Il est 18h. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 1er décembre 2022, il est 18h, vous êtes bien sur Fadjet 94.2. Et comment mieux commencer le mois qu'une voisinade en direct avec plein de gens autour de la table? Comment vous allez? Bien, ça va. Bonjour, ouais, où? Waouh. Je suis un peu du genou, alors. Je vais souhaiter la bienvenue à Geoffrey, qui est notre invité aujourd'hui, qui est notre premier invité de la saison. Voilà, on a attendu le 1er décembre, mais il est là, il est présent. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous, merci. Comment ça va? Ça va super. Le stress, les pépettes? Non, pas du tout. Ah, ça bien. Va aller. De quoi tu vas nous parler? Eh bien, moi j'ai deux passions, c'est l'histoire et le sport, donc je vais mélanger les deux et faire un petit éphémérite du sport. Tu vois, c'est ça que tu aurais dû faire, mais il y a avoir une autre passion que l'histoire et la mélanger avec l'histoire, parce que du coup, on a que l'histoire. J'ai une autre passion que l'histoire. Non. Ou alors allez, une autre passion que l'histoire et arrêter l'histoire du coup. Et ben sur cette belle parole, voilà, on va passer le bonjour à tous les profs d'histoire qui nous écoutent, qui sont au nombre de 1. Voilà, on va passer tout de suite à la chronique de Camille. C'est Camille vous fait voyager. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et Camille, où est-ce que tu vas nous faire voyager aujourd'hui? Eh ben moi, je vous propose d'écouter la voix des auditeurs aujourd'hui. Où est-ce qu'ils ont envie de partir en vacances? Quel pays leur fait de l'œil? Eh ben, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'effectivement, vous pouvez me citer un pays ou un lieu qui vous fait plaisir, et moi, je ferai une chronique dessus. Wow. Et c'est ce qu'a fait donc Fred la dernière fois. Quand j'ai fait ma chronique sur la Slovénie, il m'a dit « Oui, mais moi, j'ai en tête l'Estonie. » Et je lui dis « Bah ok, ok, je fais une chronique sur l'Estonie. » Exactement, on part en Estonie. C'est pour toi, Fred. Alors, est-ce que vous savez, cher chroniqueur, quelle est la capitale de l'Estonie? Bien sûr. Pardon, je parlais en même temps que toi, tu disais? Tallinn, il me semble. Oui, bien oui, joué. J'allais le dire, c'est marrant. Bah, c'est fou ça, heureusement que Geoffrey est venu. Hein. Ouais. Voilà, quand même. Pour une fois qu'on a un invité qui nous donne des bonnes réponses, on va lui mettre des applaudissements, c'est normal. Je pense que personne ne l'avait, j'ai l'impression que c'était le grand silence. Elle avait, hein, la prof d'histoire. Ouais, évidemment, ouais. Oui. Et que prof d'histoire, la géo, elle dit non, je fais pas. Petit vrai ou faux, est-ce que l'Estonie est frontalier avec la Finlande? Ouais, mais un tout petit morceau, genre 4 km. Genre la taille d'un donut. C'est vraiment un mini morceau. Non, c'est faux. Hein. Mais on si, a... par la mer, ça passe. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est pas loin. On a que 3 heures de ferry d'Helsinki à Tallinn. C'est quand, même 85 km. Franchement, je trouve que c'est quand même. Bah, c'est long, 3 heures pour 85 km par contre. Oui, bah, autant 85, je trouve que ça passe. Autant 3 heures, je me dis, ouais, c'est bon, du... c'est du ferry à pagaie, quoi. C'est ça. Est-ce que l'Estonie est frontalier avec la Russie? Ah bah sûrement, oui. Oui. Il y en a bien des deux qui est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pour le coup, c'est frontalier avec la Russie, et donc il y a même un passé, puisque il y a eu 2 siècles d'occupation russe à Tallinn. Donc voilà. Alors, quand est-ce qu'on peut visiter l'Estonie? L'idéal, c'est de mai à septembre, puisque les températures sont les meilleures à ce moment-là de l'année, et aussi parce qu'il y a le plus de soleil, puisque c'est un pays qui se rapproche des pays nordiques, et donc on a des jours très courts pendant le reste de l'année, c'est-à-dire environ 6 heures de jour. Ah ouais, c'est encore les trucs où tu te lèves le soleil se lève à 11h et à 16h, c'est bon, bah c'est l'heure de rentrer. À l'inverse, on a des nuits presque blanches comme dans les pays nordiques. Oui, bah oui. Alors, que voir en Estonie? Donc, bien sûr, on a la capitale qui est connue pour un centre médiéval parmi les mieux préservés d'Europe. Ça va plaire à Amélie. Ouais. Oui, encore une fois, je suis en train de réserver des billets. C'est le 20e billet d'avion réservé par Amélie en 25 émissions. On a pratiquement 2 km de remparts et 23 tours quand même. Vous y trouverez une atmosphère au croisement des mondes estonien, finnois, germanique et slave. On a quand même des petits trucs sympas. Ouais. Et donc, effectivement, il y a eu une époque d'occupation russe, et on peut le retrouver, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Tallinn? C'est la capitale Nevski, qui ressemble typiquement à un bâtiment russe. Enfin, si vous allez voir ça sur Google... Nevski. La cathédrale, j'ai dit capitale. Ah oui, capitale, non, il y a cathédrale. Okay. Je dis, il y a une capitale dans la capitale. Capitale Seption, c'est le métaverse. Non, la cathédrale qui ressemble vraiment à un bâtiment russe. Enfin, vous avez vraiment telle espèce de. Des espèces de coupole, le chapeau, là. Ah oui, la meringue, c'est ça. La vodka, non. Truc russe. Dans une cathédrale, je sais pas. C'est probable. C'était ça l'eau bénite, en fait, finalement. C'était ça depuis le début. C'est l'eau bénite estonienne. C'est ça. Mais en vrai, elle est vraiment très très jolie. Il faut aller la voir. Voilà. Elle a été construite en 1900 alors que l'Estonie était encore dominée par l'Empire tsariste russe. Waouh. Alors, il y a beaucoup d'histoire dans cette ville, puisque effectivement, il y a plein de musées historiques. mais beaucoup sur l'histoire de l'Estonie, parce que voilà, je pense qu'il y a un passé, il y a vraiment un truc. Je pense que si vous êtes fan d'histoire, s'il y a des profs d'histoire ici autour de nous, faut aller à Tallinn. En même temps, je me dis, quelqu'un qui va en Estonie, il y a des chances qu'il aime l'histoire, parce que tu vas rarement en Estonie pour faire la fête, pour aller à la plage, donc du coup c'est peut-être des vacances culturelles. Enfin, moi qui suis pas forcément fan d'histoire, enfin vraiment ça a l'air aussi très joli quand même. Je pense que ça peut plaire à d'autres gens qui aiment pas forcément l'histoire, quoi. C'est pas forcément voilà, mais et moi qui suis fan de spa. Non, Budapest. Budapest. Qui est pas je mal. Fais, si tu veux, une chronique sur les spas. Ah ouais, fais-moi une chronique spéciale spa. Okay, le meilleur spa du monde. Ah, trop bien. Qu'est-ce que vous pouvez voir ? Donc, il y a un jardin botanique. Je le précise toujours parce que c'est trop bien, les jardins botaniques. Ouais, c'est ça. T'as cité combien de jardins botaniques depuis qu'on fait la voisinade ? Voilà, on est obligé d'aller voir les jardins botaniques. Est-ce qu'il y a un pays du monde où il n'y a pas de jardin botanique ? C'est une bonne question. Vous avez les palais, le palais de Kadriorg, qui est si beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque c'est un palais que vous pouvez visiter, mais il est aussi entouré d'un jardin magnifique, avec plein de musées dans le jardin, un petit jardin japonais, enfin plein de trucs, et voilà, c'est vraiment à voir. Pour finir sur Tallinn, on a aussi l'église Saint-Olaf, qui est un bâtiment qui a été le plus haut du monde, alors c'est très vieux, hein, entre 1549 et 1625, mais un jour, il a été le plus haut du monde. Aucun rapport avec le bonhomme de neige. Non. J'étais en train de taper Saint-Olaf sur Google pour voir. Et donc, comme c'était le plus haut, il servait de repère pour les bateaux qui approchaient la ville. Voilà. Aucun rapport non plus avec le personnage de League of Legends. Si, bien sûr. Okay. Tout à fait. Okay. D'ailleurs, c'est le Saint-Olaf qui a créé League of Legends, sauf que ça a été perdu et enterré. Ils l'ont retrouvé 500 ans après, et du coup, il n'a pas demandé les copyrights. À la base, c'était un jeu avec des petits pions en bois. Oui, mais voilà, là, c'est exactement. Ma chronique, donc les jeux de société, on en reparlera. Hein. Bon, juste après. Alors, dans d'habitude, je trouve quand même assez facilement des blogs tout beaux et tout bien faits sur les pays sur lesquels je me renseigne. Et je trouve que sur Tallinn, j'en ai pas beaucoup trouvé. Donc, je me suis dit. Faut faire un blog. Bah, non, mais voilà, j'ai trouvé quand même des petits trucs, mais un peu vieillots, très mal détaillés. Enfin, voilà, et je me suis dit, c'est sûrement une ville encore un peu trop méconnue et qui doit être agréable juste parce que, à mon avis, il n'y a pas forcément énormément de touristes et que c'est pas la mode d'aller voir l'Estonie. Et donc, je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup. Vu que t'as pas trouvé de source, du coup, tu y es allé, quoi. Bah oui, voilà, ouais, c'est ça. Reportage terrain, c'est billet d'avion, donc nous ferons un retour. Ouais, non, mais bah oui, bon. Voilà. Départ demain, 14h. Ah, ok. Alors, bien sûr, l'Estonie ne se limite pas à Tallinn. Vous avez plein d'autres choses à voir. Et donc, si vous voulez des choses un peu plus sauvages, et là, si vous aimez pas trop la ville, c'est le moment de se balader partout en Estonie, parce qu'il y a plein de choses à voir. Vous avez par exemple l'AEMA. C'est un parc national qui signifie pays des baies. Et en gros, c'est beaucoup de tourbières, de marécages. C'est vraiment joli. Sur la route pour aller de Tallinn à ce parc national, vous avez des chutes d'eau qui ressemblent un peu au Niagara de l'Estonie, quoi. Ça fait c'est le petit Niagara, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment La Niagarette. La Niagarette. Vous avez donc c'est un parc national sur lequel vous pouvez voir plein de choses, des rivières, des chutes d'eau, des lacs, des falaises, avec une faune riche. C'est vrai, ça a l'air vachement bien. Des ours, des dindes, des cigognes, des bisons, des lynx, enfin vraiment plein de choses, plein d'oiseaux. Ça a l'air vraiment beau. Vous passez de l'univers un peu féerique des forêts jusqu'au bord de mer, rien à voir. Ah oui. Vous pouvez trouver des petits villages de pêcheurs, des criques, des rochers, enfin. Vraiment, il y a plein de paysages diversifiés et ça a l'air super cool. J'ai très envie d'y aller, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez voir des musées et des manoirs dans le parc aussi. Il fait combien de kilomètres carrés ce parc ? Il y a tout. Il faut 6 heures pour le visiter. 725 kilomètres carrés. Combien ? 725. Ah, oui, quand même. Ça fait déjà un bon parc. Autrement, est-ce que vous saviez que l'Estonie avait plus d'îles que la Grèce ? Évidemment, ah ouais, oui. Bah, oui. C'est logique. On a 1500 îles en Estonie quand même. Comment ça s'appelle, elles sont où ? Soit 4000 de moins qu'au Japon. Non, c'était quoi, 6400 îles ? 6000, ouais, c'est ça. Alors la plus grande d'entre elles est vraiment beaucoup plus grande, c'est Saaremaa. C'est une île sur laquelle il faut aller parce que c'est vraiment chouette. Elle est caractérisée par des moulins à vent. Il y en a un petit peu partout. Oh, des petits moulins. Ouais, c'est super joli. Il y a un autre truc qui a l'air sympa là-bas, c'est le cratère de Kali. C'est un cratère qui a été formé par une chute de météorite il y a 3500 ans. Pour de vrai ou c'est une légende encore ? Eh bah, apparemment c'est vrai. Ok, d'accord. Parce que des fois les trucs là, c'est un peu des légendes urbaines. Ouais, c'est vieux. On sait pas trop ce qui s'est passé exactement, mais il y a vraiment un cratère qui fait un petit lac et tout, et franchement ça a l'air vraiment joli. Voilà, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des châteaux forts, encore des châteaux médiévaux, parce que ça reste L'Estonie. Voilà, l'Estonie, voilà. C'est extrêmement bien préservé, encore une fois. Apparemment, c'est vraiment l'une des villes d'Europe, si vous aimez le médiéval, voilà. Et vous avez aussi sur l'île un parc national qui a un petit air de bout du monde. Vous avez des îles sauvages, vous avez des phoques, des espèces d'oiseaux, enfin voilà, plein de choses qu'on aime bien voir quand mais on part. Mais pourquoi personne va en Estonie? Ah, oui, c'est vrai, c'est étonnant. La bonne question. C'est vrai. C'est surtout que c'est vraiment tout près de la Finlande, enfin on peut faire plein de choses. C'est loin d'ici? Bah du coup, c'est tout près de la Finlande, oui, donc ouais, c'est pas tout, encore. Près, tout près quand même. Ouais, mais c'est pas frontalier avec la Russie, c'est qu'il y a au moins 3000 bornes. Oui, mais ça va, c'est pas tu changes même pas de continent. Tu le fais pas à pied, mais ça va. Oui, je prends un avion. Qui a écrit distance entre Saint-Pétersbourg et Stockholm, donc on est vraiment entre plein de petits pays. Ah oui, ça m'aide beaucoup ça. Ouais. Je visualise bien. Ouais. Moi qui vivais à Saint-Pétersbourg pendant 12 ans avant, c'est ça, je vois où c'est. Moi qui suis fan de géographie. Une fois j'ai marqué Moscou sur Google Maps, tu vois, je connais par cœur. C'est génial. T'as encore une dernière chose à nous conseiller? Bah pourquoi pas, il y a la ville de Tartu. Tarte aux pommes. Ah, ça a mignon, ça. C'est trop rigolo. J'aime beaucoup. Alors il y a une petite tradition qui veut que les amoureux qui se baladent devant la fontaine des étudiants s'embrassent. La fontaine des étudiants qui s'embrassent. On a des étudiants qui s'embrassent. Et ben il faut faire un petit vœu. Ça porte bonheur et ça garantit un amour éternel. Voilà. C'est rigolo parce que à l'extérieur de la vieille ville, on peut faire un tour dans le quartier de Suppilin, qui est surnommé la ville de la soupe. Voilà. En fait, on a des rues qui sont bordées par Suppilin, la ville de la soupe. C'est, ouais, c'est ça. C'est des rues où on a des vieilles maisons en bois avec des noms d'ingrédients de soupe. Voilà, je trouve ça super marrant. Ok, ben on va s'arrêter là-dessus sur la ville de la soupe. Voilà, parce que c'est pas mal. Suppilin, c'est ouais, je trouve en plus, bonne, j'ai faim. Donc. Une bonne référence. Et bah, du coup, profite de la pause musicale pour manger, puisque tout de suite, on va écouter. Alors, c'est sur demande express de qui nous écoute souvent encore et qui m'a dit oui, Kyo, je connais que le chemin, machin. Donc maintenant, Fred, je t'ai mis une chanson du dernier album de Kyo. Donc écoute bien, c'est dure 2 minutes 56. C'est Kyo avec Enfant de la Patrie. Demain mon corps sera mes derniers mots sont dans mes poumons des lotus comme une orange matérielle. Très belle mes yeux sont, j'vis ma vie sur fond. J'y mets des lagons dans mes veines du sang. Sous ma couronne de diamants, soldat de l'armée. 20 ans au front, je reste un échappé d'un conte. Mon âme couverte, enfant de la lune. J'ai vu la pelle bleue. Petit dernier de la fratrie, je reste calme. Quand le sang chaud coule à flot, je viens recoller les morceaux de mon drapeau en lambeaux. Pourquoi mes pages sont blanche, alors que mes nuits sont blanche, enfant d'un mariage blanche, demain ta robe sera blanche, enveloppée dans un drapeau blanche. Tu as caché une arme blanche, au milieu d'écran blanche. Je tire des balles blanche, dans les zones que des votes blanche, enfant de la lune. J'ai sorti mes gants pour nourrir des loups. Des pieds noyés dans la mer, le cœur chauffé à. J'ai jeté des pierres, pris dans l'alcool blanc. Calme, pour l'instant j'étudie. Enfant paumé de la patrie, petit dernier de la fratrie, je reste calme. Quand le sang chaud coule à flot, je viens coller les morceaux. Rouge, rouge, rouge. Installer les feux, sortir les tapis, c'est l'air des lanternes, des marchés au fer. Ma vie est cousue de fil, j'ai vu les champs de soleil, mon cœur sur liste. Ma vie j'ai ses dents, à dos de cheval. Je vois la vie en descendant de peau, du mauvais côté de la ligne. Sortir les téléphones, sonner l'alerte. Dans mon jardin rose, ta bouche de l'or. Enfant paumé de la patrie, petit dernier de la patrie, je reste calme. Quand le sang chaud coule à flot, je viens coller les morceaux de mon drapeau en lambeaux. Et c'était Kyo avec Enfant dans la Patrie, il est 18h14, vous êtes sur Fadjet. La voisinade sur Fadjet, Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont... Et Charles, à quoi tu as joué ce week-end, si j'ai bien compris, surtout? C'est si malin. C'est beau, comme en ce moment. Ouais, du coup, en fait, j'avais pas de chronique, du coup, j'ai décidé de vous raconter mon samedi. Pour changer. Voilà. Je suis venu les mains dans le slip. J'ai juste eu envie de vous raconter mon samedi, qui était une belle journée. Alors, du coup, samedi matin, je me suis levé à 8h30. Première fois de l'année. Le samedi, c'est assez rare, hein. J'ai bien le café. Il se lève plus tôt que quand il va au boulot. C'est vrai. Ouais, 5 minutes près, ça fait pas la même heure. Et puis, bon, j'ai pas traîné, tu vois, je me suis préparé vite et j'ai pris la petite voiture avec ma chérie pour aller au stade Marcel Picot où il y avait les Jeux du Stan. C'est un événement organisé par la Caverne du Gobelin, donc boutique de Nancy, une des deux, j'en connais que deux, mais en tout cas la plus grosse boutique de Nancy, oui, en termes de jeux de société. Qui organisait ça, et donc en gros le but des Jeux du Stan, c'était un gros rassemblement où ils ont fait venir des tas et des tas et des tas d'éditeurs de jeux pour qu'ils montrent toutes leurs nouveautés. C'est le salon du jeu de société. C'est un salon du jeu de société orienté sur les nouveautés qui viennent de sortir. Et donc, oui, ils ne montrent pas trop des jeux qui ont 40 ans, quoi. C'est ça, oui, tout à fait. Dans le, oui. Il y en avait, tu sais, il y a toujours les grands les classiques, éditeurs un peu gourmands qui rééditent pour la cinquième fois le même jeu tous les ans. Tous les ans le montre, ah, vous connaissez notre jeu? Bah oui, ça fait 10 ans qu'on l'a. Mais bon, bref, on n'est pas là pour critiquer. Et du coup, bah, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai essayé. Alors, à midi, j'ai mangé un panini jambon fromage. Du coup, avant de commencer, quand même, un petit big up avec un gros big up. Gros big up, c'est très répétitif. Mais ça, surtout que ça se dit plus depuis 10 ans. Bah ouais, je sais, c'est fait exprès. À Félicien, Brian. Ouais, c'est ça, sur Skyblog, sur le MySpace. À Félicien, du coup, Brian et Aurélie, avec qui Mélie et moi sommes allés au jeu du Stan. Donc on est tous les 5 à la fin de l'ours. Félicien alias Cyprien. Ouais. Oh là là. Est-ce que Mélie a du problème avec les prénoms? C'est ça. Quand il y a un yin, c'est forcément Cyprien, tu vois. Et du coup, on est allé jouer à des jeux tous ensemble. Et je vais vous parler un peu de ce qu'on a vu et ce qu'on a essayé. Le premier jeu qu'on a vu et qu'on a essayé, c'est Turing Machine. Alors, c'est un peu bizarre de commencer par celui-là en premier. Je fais que des pléonasmes aujourd'hui. Commencer en premier, big up, gros big up, bref. Turing Machine, c'est un jeu de... Pardon, je perds mes mots. Bah oui. Vas-y. Un jeu de... Tu sais, quand on doit deviner des codes et tout. Un escape game. Oui, non, ça, c'est pas de ça. Domination. C'est un jeu de devinage. D'enquête. D'énigmes. Ouais. C'est pas vraiment des énigmes. En gros, c'est. De déchiffrage. Non, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Calcul mental. J'ai l'impression que c'est nous qui jouons un jeu là, en fait. Ouais, c'est ça. Le truc. Non, en gros, c'est un jeu de puzzle. C'est un jeu de déduction, voilà. Ça y est, le mot m'est venu. C'est un jeu de déduction. Et ben, il est 18h35. Charles a fini sa chronique et a trouvé son mot. C'est dur. Du coup, c'est un jeu de déduction dans lequel le but, ça va être de retrouver des codes. Et c'est assez unique et c'est assez dur à décrire sans l'essayer. Du coup, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est essayez-le si vous le trouvez, ce qui est déjà en rupture de stock, tellement c'est un énorme succès. En gros, c'est un jeu où, via des cartes, le jeu va générer des codes aléatoires. Et le but, ça va être de les retenir en faisant des tests logiques. Et voilà, c'est un peu dur à expliquer. Non, mais en vrai, t'expliques bien, c'est franchement, ça. Franchement, essayez-le, c'est super bien. C'est des puzzles de déduction avec des codes à trois chiffres et c'est hyper malin. Moi, j'ai trouvé ça assez fun, alors que c'est pas du tout mon type de jeu. J'ai vraiment passé un bon moment. Ce que j'allais dire, ça te ressemble pas. Oui, ouais. Et vraiment, c'était vraiment cool. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub de la fin de l'ours qu'il a reçu il y a 2 jours maintenant. Donc, si vous voulez absolument essayer Turing Machine, qui est un excellent jeu, il est dispo à la fin de l'ours, place des Vosges, 5€ la soirée. Avec le code promo Charles, 4,50€. Et on vous offre. Sur la forêt en ce moment. Voilà, où c'est Camille vrai, est exposée, oui. Émilie est exposée. Oui. Voilà, en tant qu'on fait de la pub, on y va jusqu'au bout. Hein, on y va jusqu'au bout. Ok, après, on a fait un jeu, on est allé au rez-de-chaussée des jeux du Stan, où il y avait notre ami Emeric qui présentait un de ses prototypes. Alors, parce que du coup, il y avait tout un petit coin pour les trolls. C'est une abréviation pour les créateurs de jeux de Lorraine. J'ai plus exactement les mots exacts en tête. Et moi qui présentait un proto sur un jeu sur lequel il bosse en ce moment, ça s'appelle Les Marchands de Karan. On l'a essayé à 5. Alors, j'ai pas de prix à vous donner ni rien, puisque c'est un jeu qui n'existe pas encore, qui est pas dans les magasins. Vous pouvez l'acheter pour 200 000 euros, il paraît, hein, on m'a dit. C'est ça. Et c'était super cool. C'est un jeu où on va échanger des ressources, un système de commerce et tout qui était super intelligent. Donc, soyez attentifs. Si un jour vous voyez dans une boutique dans quelques années Les Marchands de Karan, allez-y, c'est trop bien. Et c'est par un pote, donc c'est cool. Et en plus, c'est du fait maison. Après, on s'est séparés parce que moi j'avais envie d'essayer un jeu et puis Mélie avait pas envie. Donc, du coup, on s'est séparés. Enfin, pas que Mélie, mais une partie du groupe avait pas envie. Du coup, je vais laisser Mélie parler. Surprise, est-ce que tu ne parlerais pas de Discover que t'as essayé et que t'as adoré? Ouais, alors Discover, en fait, c'est un jeu qui ressemble un peu à Dixit, c'est-à-dire qu'il y a des pochettes de disques dans le même ambiance que les images de Dixit, donc un peu imaginaire. Et le but, c'est qu'un joueur mette une musique et il faut essayer de faire correspondre ce qu'on entend avec une des pochettes qu'on a sur la table. Pour un truc improvisé, c'est bien, je trouve. Ouais, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs qui coûte 25 euros, qui pour le coup n'est pas encore en rupture, donc allez-y, foncez. Des petites parties d'une demi-heure. C'est un jeu d'ambiance où on met de la musique et on essaye de se mettre d'accord sur des images. Ça a l'air assez fun. Moi, je l'ai pas essayé du coup, mais je fais entièrement sympa, confiance à Mélie. Les règles n'ont pas l'air compliquées. Je l'ai acheté même. Voilà. Pour dire. Ça prouve. Bah, d'ailleurs, Mélie invite tous les auditeurs de Fagette à aller chez elle demain soir à 20h30 jouer à Discover. Voilà. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 8, donc normalement, il y aura assez de place pour tout le monde. Il n'y en a que 8 qui viennent. Et pendant que Mélie essayait Discover, du coup, moi, je suis allé tout seul avec Brian et nous avons essayé Mage Noir, qui est mon coup de cœur et ma révélation de ce jeu du Stan. C'est un jeu qui se joue exclusivement à deux de base. C'est un jeu de confrontation direct avec des points de vie et on est des mages et on se fout sur la tronche. Ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, à Magic, l'Assemblée. Un jeu de cartes de confrontation directe aussi. Sauf que ça corrige les deux gros problèmes de Magic. Le premier, c'est la mana. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un sujet qui fait débat pour les joueurs de Magic. Et dans Mage Noir, ce sujet-là est résolu. Et c'est trop bien, sachez-le. Et le deuxième sujet, c'est que Magic, ça coûte extrêmement cher, parce que c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc, quand il y a une extension qui sort, faut acheter les boosters, faut avoir de la chance. Faut vraiment collectionner. Et ça peut vite coûter 200-300 balles par extension qui sort tous les 3 mois. Donc, c'est 100 balles par mois, ça fait un peu, ouais, voilà. c'est pas donné. Là où Mage Noir, j'ai acheté, bon, ça a quand même coûté 80 euros, mais j'ai la totalité de tout Mage Noir et j'ai plus pas rien acheté. Ultra excessif pour un jeu de société. Au pire, ils vont refaire une extension dans 3 mois et ça coûtera 15 euros et j'aurai de nouveau tout. Pour un très bon jeu, c'est un excellent jeu. Moi, je vous le conseille vraiment. Petit truc à savoir, si c'est votre kiff, il y a une extension que j'ai acheté qui permet de jouer soit en solo, soit en coop jusqu'à 4. Ah, c'est bien. Donc, si vous n'avez pas envie de jouer que à 2 et vous foutre sur la tronche, il y a quand même un mode coop, et ça c'est vachement cool. Je vais pas regarder mes chronos, mon cher master. Ok, alors je vais faire. Ouais, bon, je vais faire vite. J'ai plusieurs mentions honorables, il y a plusieurs jeux qu'on n'a pas pu essayer. Il y a Clockworker, qui est un jeu qui a l'air super bien de création de moteurs et de collection de cartes. Il y a Acropolis, qui est un jeu où on va poser des tuiles, qui est super bien, mais qu'on n'a pas pu essayer. Il y a Encyclopedia, qui est un jeu de mon autre méditeur préféré, qui est Holy Grail Games, qui est un énorme jeu qu'on n'a pas eu le temps de faire, donc je vous conseille de regarder aussi. On n'a pas essayé, mais c'est super bien, je vous jure. Franchement, si on avait pu, on serait resté 3 jours là. On les a pas essayés, mais je sais que c'est super bien d'après les critiques. J'ai vu que des bons avis et j'aurais aimé l'essayer, mais il y avait tellement de monde, ça a été tellement un grand succès. Oui, j'ai l'impression que il y avait pas mal de monde. J'ai un peu entendu parler. On voulait rester à la base jusqu'à la fermeture qui était passée à 18h. Et à 16h30, on a fini par partir parce qu'en fait, il y avait tellement de monde que toutes les tables étaient prises. Ouais, c'est dommage. Oui. Donc, c'est pas que c'est dommage. Moi, j'étais content. C'est bien, ça veut dire que les gens s'intéressent aux jeux de société. Moi, je suis content de voir que mes chroniques ont du succès et que ça ramène autant de monde. Franchement, merci à tous. Il paraît que dans les conférences d'histoire, maintenant, depuis qu'on a Mélie, ils sont 30 000 alors qu'avant, ils étaient 4. Franchement, merci à tous. C'est fou. Non, mais c'est sympa. Ils devraient faire une semaine de jeux de Stan, je trouve que c'est. Ah ouais. Je pense que s'ils avaient fait une semaine, ça aurait été blindé toute la semaine. Enfin, vraiment, c'est. Oui, c'est comme quand ils font la Paris Games Week et blindé pendant une semaine, tu vois. C'est ça. Moi, ça me choque pas. Ouais, c'était cool. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir raconté ta journée au jeu du Stan. On va s'écouter un petit James Blunt avec Lose My Number et on se retrouve juste après, on va jouer avec l'actu. Did you forget to call me? Oh baby, did you lose my number? Don't tell me that you're sorry. Whose covers are you sleeping under? I was just across the street and I just wanted to reach out, thinking we could get together. And I didn't mean to stalk you, but I saw that guy you talked to. Everybody knows I'm jealous, and I know it's not all about me. I know that you don't come easily, but you reach for the stars if it's worth it. If you're gonna act like we're just friends, throw away the messages I sent. If you're playing a game and it's working, did you forget to friends to hang out. And I guess what hurts the most is I know I've just been ghosted. Who knew you could be so callous? Did you forget to call me? Oh baby, did you lose my number? Don't tell me that you're sorry. Whose covers are you sleeping under? You know I just want someone that just wanted to reach out, thinking we could get together. You know I just want someone that c'était James Blunt avec Lose My Number. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Allez, on va attaquer directement. On va commencer par une étude qui révèle un top 5 des prénoms, mais des prénoms qui font quoi ? Qui font chier. Bah, tu l'as dit, on l'a compris. Ils sont confusés. Non, je serais dedans. Qui font c'est pas les plus populaires. Non. Qui font que les gamins soient intelligents. Non. Qui font que les gamins seront harcelés. Non, c'est vraiment c'est une étude faite sur les adultes. Ça marche pas sur les gamins. Les prénoms qui font quoi ? Bah en fait, c'est le top 5 des prénoms qui sont le plus. Qui sont le plus détestés ? Non. Qui sont c'est un trait de caractère. Ouais. Les plus riches ? Non. Les plus intelligents ? Non. Les plus colériques ? Qui font le plus d'études ? Les plus déprimés ? Non. Les plus riches ? C'est vraiment un lieu. Non, c'est un comportement de la vie de tous les jours. Les plus riches. Tu aurais pas envie que ton mec ou ta meuf soit comme ça. Les plus maniaques. Non. Le plus Mélis. Ouais, c'est ça. Non, c'est le top 5 des gens qui ressemblent le plus à Mélis. Top 1, Mélis. Non, c'est un trait de. Car en couple, ça t'arrange pas. Infidélité. Ouais, infidélité, exactement. Alors, j'ai le top 10 des prénoms les plus infidèles. Essayez de m'en trouver quelques-uns. Alors, en premier, il y a forcément Charles. Non, par contre, vous n'êtes pas dedans. Il n'y a pas, y a pas de Charles dedans. Brandon, je sais pas, genre Julien ou. Kevin. C'est des prénoms masculins ou féminins déjà. Là, on fait d'abord les mecs, après on fait les filles. Non, j'ai pas. Adrien. Je sais, il y a des prénoms à l'américaine. Il y a des, non, le, Jordan. Non, c'est des prénoms très classiques. Henri, Charles. Genre Jean-Paul. Louis, vraiment. Non. Pierre-Paul ou Jacques. Émile. Pierre en top 4. Ah. Et le numéro 1, il a une fête en Irlande. Patrick. Non, ouais, c'est ça, exactement. Ils ont dit quoi ? J'ai pas entendu. Bah, je peux le dire ou pas ? Le père de Mélie s'appelait Pierre et il a trompé son ex-femme avec la mère de Mélie. Ah, bah, effectivement. Eh ben voilà. Eh ben, il est top 4. Ils ont compris, ils ont éclaté de rire tous les deux. Si tu dis Pierre, c'est pas tout à fait ça l'histoire, mais voilà. Bon, on résume quoi. Il était encore marié, hein. Excuse-moi. Oui, mais... Je vous donne le top 10 des gens à pas fréquenter : Patrick, Stéphane, François, Pierre, Thomas, Alexandre, Geoffrey, Mathieu, Didier et Maxime. Voilà. Non, j'ai dit Charles. J'ai précisé parce que je m'étais rendu compte que j'ai dit correct. J'ai les filles aussi. Allez. J'ai les filles. On va voir comment Camille est classée. Est-ce qu'il y a Pascal ? Non. Emeline ? Non. Camille ? Non, c'est des prénoms assez classiques aussi. Émilie ? Non. Mathilde ? Non. Nicole ? Non. C'est classique, Nicole. Marion ? Non. Marie ? Non plus. Non plus. C'est t'as fou. Dit quoi ? Margot ? Non plus. Marine. Je vais vous le donner, parce qu'on n'avait pas. On a Hélène en numéro 1, après on a Julie, Anne, Catherine, Isabelle, Christelle, Alice, Juliette, Vanessa et Clémence. Catherine. Voilà. Catherine qui est sur la matinale du lundi Isabelle. Matin. Voilà, bonjour. Il y a plein de prénoms que je connais. J'ai quand même pas mal de collègues dans le top 10. Voilà, c'est ça. Tu leur diras demain matin, ils vont être contents. Coucou Alice. Allez, on va partir directement, on est toujours en France, sur une vidéo qui a fait le buzz sur CNews. Est-ce que vous l'avez vue ? Non. C'était quelqu'un de tout. C'était quelqu'un qui était interviewé et il s'est passé quelque chose pendant qu'elle était interviewée. Il a perdu son slip. Non. Genre, tu sais, une tempête, un truc. Non, comme c'était pas climatique. C'était un événement extérieur à lui ou c'est lui qui a fait une connerie? C'était extérieur à lui, mais ça s'est répercuté sur lui. Quelqu'un est tombé sur lui et du coup, il est tombé aussi. Il s'est pris quelque chose dans la gueule. Il a vomi. Non plus. C'était à Paris. Petit indice. Et c'est un rapport avec la Coupe du Monde? Non. Avec les gilets jaunes? Non, c'est un rapport avec le fait que ce soit à Paris et que... Ah, il y avait la grève? Non, on en trouve plus à Paris que dans le reste de la France. Des connards? Des connards, non, oui, mais c'est pas ça la réponse. Des trottinettes, mais des rats, effectivement. Ah tu l'as vu la vidéo? Dans son pull, non? C'est ça, elle est en train d'interviewer et en fait, elle a un rat qui sort de sa manche. Voilà. Mais elle était où pour que ça arrive? Bah à Paris. Mais où à Paris? Bah la peste du nougat. Et choqué, le caméraman il a zoomé sur le bras et la meuf elle a paniqué complètement. Il y a un rat qui est rentré. Et après, il est sorti de sa manche, il allait dans son sac. Je me suis dit qu'il y avait des chances que vous l'ayez vu la vidéo. Non, j'ai pas vu ça. Ah non, bah, moi j'avais vu, mais j'avais pas retenu. C'était lundi. Ah, alors là, que t'as un insecte sur toi et que tu le sens pas, ok, mais un rat quoi. Oui, ça veut dire qu'elle avait un rat dans le pull quoi. C'est pas dit, tiens, il y a un truc bizarre. Un truc qui me chatouille là. C'est ça. Ce qu'on voit, j'ai un ornithorynque dans la poche. Non mais c'est de pire en pire. Parce qu'il y a quand même 6 millions de rats à Paris selon les scientifiques. C'est une horreur, ils sont en lutte totale. C'était juste pour vous dire qu'il y en a. Plus que d'humains. C'est ça, exactement, ils sont plus que d'humains. Bah, d'ailleurs, on dit qu'à Paris se vide, par contre, mais elle se vide pas en rats. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a plus de rats que d'habitants à Paris, non, c'est pas ça. Contrairement à Meuse. Ah oui, du coup, c'est ce que je viens de dire. Ça va, sinon, l'écoute, Mélie. On est où là déjà? Allez, je vous emmène à Bordeaux où ils ont inauguré leur nouveau sapin de Noël. Mais il est. Ah, je l'ai vu, ça ressemble à un plaganelle. C'est pas ça? Alors, il est quoi? Il est métallique, il me semble. Non, il est pas métallique. Ça ressemble, ça va. Je sais pas. J'ai pas vu la photo. Un truc trop bizarre. Ça ressemble à un truc sexuel. Bah, je sais pas. J'ai pas cette info en tout cas. Ah, peut-être que toi, ça t'évoque des choses. Mais moi, j'ai vu un truc comme ça, un truc en plastique noir, tout vert, tout dégueulasse. Bah vert, c'est un sapin hein, en même temps. Oui, d'accord. Mais non, il a. Une... En fait, c'est la manière dont il a été fabriqué surtout qui est importante. Ah d'accord. Bah c'est peut-être pas celui de Bordeaux. C'est peut-être un autre. C'est possible. Avec des matériaux recyclés. Exactement. Il a été fabriqué avec 3000 bouteilles en plastique recyclé. Voilà. Donc il fait 10 mètres de hauteur et attention, il est éclairé grâce à l'énergie créée par les visiteurs du centre commercial qui peuvent pédaler et hop, ça illumine le sapin. Donc c'est un sapin 100% écologique. C'est pas mal, ça mairie écolo, c'est bien, ouais. Bordeaux aussi. Oui, le maire est écolo à Bordeaux. Mais du coup, je trouve que c'est une bonne idée parce que ne pas mettre de sapin parce que c'est pas écolo, c'est pas ouf, mais d'en mettre un recyclé et qui c'est s'allume. Vrai, ouais. Je trouve ça trop drôle de voir les gens pédaler à côté. On allume le sapin. Le jour où il y a personne qui veut allumer le sapin, et c'est tout ça. Vraiment... Avec des feignasses aujourd'hui, il n'y a pas de sapin. Mais, bah, peut-être que le truc garde l'énergie. Après, j'ai pas plus d'infos que ça. Allez, on va partir aux États-Unis parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti aux États-Unis dans le génie de l'actu. Vous pouvez gagner quelque chose de fou aux États-Unis. Une maison. Non, plus que ça. Non, pas plus que ça. Non, mais une voiture. Ça dépend qui. Une non. Femme. Non, non, une, de l'argent. Un homme. Non. Non, c'est pas de l'argent. Un voyage de fou. Non. C'est une entreprise qui offre ça. Ça peut vous aider. À manger. Oui. Ah, c'est les États-Unis en même temps. Bah oui. Genre à bouffer pendant un an quoi. Ouais, plus que ça même. Pendant 10 ans. Plus que ça. 20 ans. À vie, exactement. Ah, ouais, c'est pas McDo? Exactement, ah, c'est oui, McDonald's c'est qui vous offre des repas gratuits à vie. Mais pourquoi? Pour les clients américains. Alors ils avaient jamais fait ça, ils avaient déjà fait pour 50 ans. Okay. Et là, ils ont dit à vie. De toute façon, vu leur état de santé, 50 ans, c'est souvent à vie. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, si c'est toutes les commandes qui feront au moins 1$ du 5 décembre jusqu'à Noël seront tirées au sort. Et à la fin, il y a 3 gagnants. Et tu gagnes repas à vie. Attention, tu peux inviter 3 membres de ta famille avec toi sur la carte. Là, je mets Camille et Guélon au hasard. Enfin, c'est fou. Et ça s'appelle la carte McGold. Et vous savez qu'il y a des privilégiés qui l'ont. Il y a Warren Buffett, Bill Gates ou encore l'acteur Roblo. Donc en fait, tous ceux qui n'ont pas besoin d'argent pour le McDo. Plus t'es riche, moi t'as besoin de dépenser. Voilà. C'est vrai. Donc c'est un gros coup marketing parce qu'en fait il suffit juste de commander plus de 1$. Donc c'est même pas un. Oui, en fait, c'est t'as envie de bouffer au McDo et. C'est voilà. Juste pour faire venir des gens. C'est un coup marketing quoi. Ouais, c'est un bon coup marketing. Bon, je sais pas, mais cela a sûrement marché. Bon, moi je serais pas contre avoir une carte McDo. Après, il faut pas en abuser. Quoi. Bah, c'est ça le problème. Oui, bah, oui. Allez, je vous emmène à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, où une madame arrive dans la petite mairie. Elle dit bonjour, je voudrais refaire ma carte d'identité. Et là, ils lui disent bah, ça va pas être possible. Madame, parce que vous êtes non, morte. Pas parce que vous êtes mort. C'est déjà arrivé, mais c'est pas ça. Mais c'est déjà arrivé, oui. Il y a déjà une autre qui a ce nom, ou alors elle a un nom trop connu. Non, mais sans rapport avec son. Non, sans pas de rapport avec son nom prénom, en fait, j'allais dire une connerie. C'est, en fait, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est pas sa mort. Elle est toujours vivante, elle est considérée comme vivante, mais il y a un truc qu'ils savent sur elle qu'elle ne sait pas. Quoi? Parce que c'est faux. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes un homme. Non, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une carte d'identité à son nom et qui est genre criminel ou je sais pas quoi. Non, non. C'est moins grave que ça, entre guillemets. J'ai pas d'idée. Parce qu'elle est moche? Non, en fait, c'est sûr. Je sais pas si c'est noté sur la carte d'identité ce truc là, mais en tout cas dans son nom ça peut avoir une incidence. Quoi? Sur son nom ça peut avoir un incidence. C'est un truc physique du coup? Non. Son deuxième nom? Non, sur son nom de famille. Ça aurait pu avoir une incidence. Qu'est-ce qui peut faire que ton nom de famille change? Un accent? Hitler? Non. Non, c'est marié. Ouais, en fait, ils lui ont dit qu'elle était mariée depuis le 14 février 2009. Sauf qu'elle, elle est pas au courant. Toutes mes félicitations. Quoi? En fait, il y a eu une erreur administrative. Il y a quelqu'un, un homme, qui est né à un jour d'écart dans la même ville qu'elle. Et en fait, ils ont fait une erreur sur les petits bouts de trucs à cocher de l'acte de naissance. Et en fait, il y a eu une erreur administrative. Ce qui fait que quand ils ont vu l'acte de naissance, ils l'ont considéré comme marié. Et ils l'ont marié à l'état civil. Donc elle se rend compte 13 ans après. Et elle se rend compte 13 ans après parce que sa carte d'identité est périmée. Et elle en a besoin parce que madame, elle a le cancer. Et que du coup, elle doit changer sa mutuelle. Okay, et du coup, elle est complètement bloquée par ça parce qu'en fait, elle est mariée avec un gars qu'elle a contacté. Et qui lui, du coup, n'était pas au courant non plus. Et la femme de ce gars n'était pas au courant non plus. C'est là où ça devient compliqué. Écoute, en Amérique, le mec était déjà marié. Quand j'ai lu ça, je me dis comment c'est possible. Ben voilà, vraiment une histoire. Et du coup, ils lui ont demandé de faire une lettre sur l'honneur pour qu'elle dise qu'elle n'est pas mariée. Alors qu'elle, elle sait qu'elle n'est pas mariée. Elle dit qu'elle ne veut pas le faire parce que ce serait reconnaître qu'elle a fait une erreur alors qu'en fait, elle n'a pas fait l'erreur. Non, mais rassure-moi, elle a quand même accès à ses soins rapidement. Là. Bah, j'ai pas eu la nouvelle parce que c'est très récent. Donc je pense qu'ils ont trouvé une solution pour. Mais ça, c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que c'était le bordel. Parce qu'elle n'avait jamais reçu sa carte d'identité. On va aller dans aucun pays, mais est-ce que vous savez que ça fait 25 ans cette année que le premier GTA est sorti? Oui, je savais. Ah ouais. Et est-ce que tu savais, alors du coup? Tu viens de me le dire. Qu'il est malin. ce qu'il devait y avoir dans le premier GTA, à la base, c'était pas un jeu de voiture, ça devait être complètement un jeu différent, mais un jeu de quoi? De prostituées, il y en a déjà quoi. Ah oui, du coup, il y en a déjà des prostituées. Mais il y avait que ça en fait dans le jeu. C'est ça, tu rentrais et tu cannes sur sort. Voilà, c'est vraiment. Non. Un jeu de braquage, un jeu de guerre. Le jeu en lui-même n'était pas beaucoup différent, ils avaient juste rajouté des personnages en plus. Un type de personnage. Des nains. Ouais, c'était Fort Boyard. Non, pas du tout. Je sais pas, il dit un type de personnage, des nains, tu vois. Un peu plus gros qu'un nain. Des ogres. Un peu plus gros qu'un ogre. Des monstres, c'est pas des humains. Ouais, c'est des types de des monstres. Des géants. Non. Des titans. Non, mais ça se rapprocherait plus du gros monstre. Des dragons. Non, bah ça se rapproche plus des dragons, mais c'est pas des dragons. Les gros lézards. Ils avaient pas beaucoup d'ailes en général. Qui crache du feu. En vrai, c'est tout pile un mélange entre des dragons et des gros lézards. Des dinosaures. Des dinosaures, exactement. En fait, heureusement que je vous ai aidé, hein. Dragon, mais qui crache. Ils avaient construit une ville en 3D avec des immeubles et à la base, ça devait être un dinosaure capable de tout détruire sur son chemin. Et après, ils se sont dit, ouais, mais c'est pas très réaliste, on va mettre des voitures. Donc, ils ont mis des voitures, puis ils se sont dit, oh, c'est pas trop drôle, ça serait bien que le joueur puisse sortir de la voiture. Ouais, et en fait, à la fin, le dinosaure a complètement disparu. C'était un gros brainstorming et puis à la fin, c'est devenu un énorme, un gros tas de bordel de plein de trucs qui a donné cette licence que j'étais aujourd'hui. Qui a donné cette licence que j'étais, voilà. Donc, je voulais en parler. Je vais en faire une très rapide. Ça va disparaître des fast-food le 1er janvier. Ah, tout ce qui est en plastique, enfin justement ce qui est les cartons. Bah, là. Voilà, exactement. Ça va, voilà. Je le savais que c'est là. Les cartons, ça s'en va. Voilà pour des. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, essaye de faire. Essaye de parler. C'est quoi qui s'en va du coup? C'est le carton ou le plastique? Les deux, tout. J'ai vu les frites McDo dans des trucs en plastique dur, réutilisables. Pas réutilisables. Tout ce qui jette, il n'y a plus. Ah ouais. Voilà. Alors c'est que pour les restaurants de plus de 20 places assises. C'est-à-dire que le kebab du coin, il pourra toujours faire son truc. Et a priori, il y a une autorisation pour l'emballage du sandwich, c'est tout. Ah okay. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Ça a son importance ou pas, mais en tout cas, voilà, sachez qu'à partir du 1er janvier 2023, vous allez avoir vos propres assiettes et couverts. C'est bizarre. Parce qu'ils ont expliqué que c'était pour la saveur ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai plus l'explication, je l'ai lu. Parce qu'il y a eu le bio payé un peu cher, du coup c'est passé. Non, mais il y a des polémiques parce que depuis qu'ils ont mis du carton à la place du plastique, ça sent pas bon, je pense. Tu vois, tu sais, quand dans les gobelets en carton, ça donne un goût à l'eau. C'est sûrement parce que du coup les sandwichs sont pas faits à la commande et après ils sont stockés sur un truc qui est chaud et je pense que c'est pour ça. Voilà, ça c'est l'ancien mec qui a travaillé chez KFC qui dit ça. Voilà. Pas convaincu. C'est sur cette news qui ne fera pas, qui t'ont fait toucher une sans bouger l'autre, comme dit l'autre. Voilà, sur cette belle transition, il est 18h39, c'est la dernière pause musicale et on va écouter la dernière chanson de All Time Low qui s'appelle Sleepwalking. What a shame, what a shame, what a shame. It's all fun and games till you don't wanna play now. Run away, run away. vous venez d'écouter All Time Low avec Sleepwalking. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Mélie danse son propre jingle, voilà, c'est mignon, ça fait un lancement. Voilà, Mélie, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors, il me semble que j'avais déjà fait cette chronique, mais du coup, je l'avais pas terminée. Mais je pense que vous l'avez oublié, donc du coup, on va voir si vous avez bonne mémoire. Je sais pas. Je voulais vous parler de mots et d'expressions de la langue française, mais qui sont expliqués par l'histoire. Voilà, il me semble que j'avais déjà fait ça, mais je suis pas sûre. Bon, on va voilà. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre que ça soit sur cette émission-là. Moi, si c'est pas une des matinales de Fadjet. Peut-être, c'est pas grave. Par exemple, le mot banque. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on parle d'un banquier? Parce que c'est un mec qui travaille dans une banque. Bah oui. Bah ouais, dit comme ça, c'est sûr qu'on allait dire ça. J'avais de casse contre temps. Oui, mais ça vient d'où le mot banquier? De la banque. Non, t'as pas fini. Hein. Non, non, mais en vrai, je vois pas ce qu'on peut faire. Je vais m'intéresser à toi, peut-être que. Si, parce que ban, à l'époque, ban, B-A-N, c'est l'argent. Non. Bah, je sais pas, j'ai tenté un truc, écoute, j'invente. En fait, ça vient vraiment du terme de ban, banco en italien, et pendant les foires, à l'époque médiévale, les foires, c'est l'équivalent de grand marché, les marchands, ils devaient à certains moments aller voir les banquiers qu'on appelait des changeurs pour avoir des sous, parce que du coup, les marchands ne se baladaient pas avec 300 florins sur eux, et ces changeurs, ils étaient assis sur des bancs. Et du coup, ça a donné banquier. Ah ouais, on n'aurait jamais pu trouver ça. Mais si, banquier. Mais du coup, avant les banques, ça s'appelait des changes. Ouais, c'était. Et pourquoi ils ont appelé ça des banques? Parce qu'on appelait ça des banquiers. Parce qu'en fait, ils étaient achetés, ils étaient assis sur des bancs. Je pensais qu'on appelait des banquiers parce qu'il y avait des banques, mais c'est l'inverse. On appelle des banques parce qu'il y a des banquiers. Ouais. C'est ça. C'est fou. En fait, c'était chiant parce que tu vois, ils disent ouais, faut les changer, c'est chez les changeurs, Du coup, ils ont dit faut changer. Et du coup, ils ont changé. Bon, allez, c'est bon. Allez, enchaîne. Le mot hashtag, en fait, est-ce que vous savez à peu près pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça, c'est pas l'histoire. Bah, si, c'est l'histoire contemporaine. Ouais, c'est un mot qui a un héritage de l'ancien français. Voilà, parce que, ouais, c'était quoi le mot? Bah, le H, ça veut dire haché. Du coup, c'est pour ça qu'on parle d'un hashtag. Mais pourquoi c'est on hache quoi? Bah, le mot, il est haché. Voilà, c'est pour toi. Ouais, c'est bizarre hein, pour l'explication. Haché, ça veut dire quoi? Haché. Il est coupé. C'est un steak quoi. Voilà, c'est... Genre haché comme un steak haché. T'es sûr de ton information là? Oui. On va envoyer des spécialistes. Hein, parce que... Vous me permettrez à la prochaine pause pub, votre agence n'en aura plus. Je ferai une petite vérification. Oui, bon, prenez cette information. Avec des pincettes. Hein, peut-être qu'on va la changer cette information. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une mère déchaînée d'après vous? Pourquoi est-ce que c'est déchaîné? Tout simplement, c'est simple en fait. C'est complètement. C'est quoi cette chronique encore? Qu'est-ce que tu nous as fait, Mélie? Mais il y a un sens derrière, c'est pas de ma faute si vous êtes con. Hein. Oh, bah, déjà, je te permets pas. Alors pourquoi tu vas se calmer hein? On le dit pas à tout le monde, déjà que c'est vrai. Hein. Bon. Non, dans un texte ancien qui a été traduit par un orientaliste. Elle a un sourire quand elle dit ça, déjà c'est mauvais signe, pardon. C'est clair. En fait, on sait qu'il y avait un mot qui désignait un sphinx terrifiant, et en fait, ce mot, il vient du mot déchaîné. Voilà, d'où le terme de mère déchaînée. Bah, une mère déchaînée, mais c'est une mère qui fait. Vous savez peur. Pourquoi on dit qu'une mère déchaînée? Parce qu'un jour, il y avait un mec, il avait tombé sa table et c'était une table déchaînée. Non, parce qu'un jour, il avait rien dit. Et un jour, il y a un mec qui avait sa mère, elle avait des chaînes et puis il l'a enlevé, quoi. Non, mais. Hashtag mère déchaînée. Voilà, non, mais ça veut absolument rien dire ta chronique là, t'es au courant quand même. Ça veut vraiment rien dire, mais c'était quoi le mot de base? C'est un gigantesque troll, c'est une blague, non? Il y a un truc à la fin. Parce que du coup, alors, je suis allé sur la page Wikipédia du hashtag. Un hashtag, c'est un mot composé du signe typographique croisillon. Mais oui, mais c'est pas appelé ça que je te parle. H en anglais. Mais non, mais ça a un héritage de l'ancien français, de H. D'accord. Il vit haché. D'accord. C'est pas une blague. Mais du coup, c'est quoi l'histoire du sphinx? Je comprends pas. Le terme déchaîné, le mot déchaîné, oui. Ça vient de l'arabe. Qui était? C'est quoi le mot de arabe? Je ne le prononce pas parce qu'il est imprononçable. Et en fait, ce mot désignait un sphinx terrifiant. Et du coup, c'est devenu une mère déchaînée parce que c'est une mère qui fait peur. Un sphinx terrifiant, ça fait peur. D'accord. Coup, ça vient de là. T'as déjà vu beaucoup de sphinx dans la mer, toi? C'est pas moi. Mais pas souvent. Tu es allé sur quel site pour cette info? Dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire. Quelle édition qu'on l'achète pas? Qu'on prévienne les auditeurs qui l'achètent pas non plus, quoi, tu vois. C'est Mère la Blonde. Je sais pas quoi. Non, même pas. Être de bonne ou de mauvaise humeur, je crois que vous l'avez déjà dit ça. Non. Ça vient d'où? Ça ne dit rien. C'est quoi? C'est le métabolisme féminin? C'est presque ça, ça vient de la théorie des humeurs, du coup, comme son nom l'indique. Une théorie selon laquelle le corps est composé de quatre humeurs, la bile jaune, la bile noire, le flegme et le sang. Ah, ça me dit quelque chose, ça te l'a déjà dit. Je vous l'avais déjà dit, et en fait, quand ces humeurs sont présentes en quantité trop importante dans le corps, bah, la personne elle tombe malade. Et du coup, elle a de mauvaises humeurs, elle est de mauvaise humeur. Ah, là, ça me paraît plus logique cette histoire, tu vois. Oui, bah là, il y a une explication, tu vois. Et du coup, c'est de cette théorie. Pas encore 100% convaincu. Mais... c'est de cette théorie que vient le tempérament colérique, flegmatique. Colérique. Et donc, en fonction du nombre d'humeurs que t'as dans le corps. C'est ça. Voilà. Si t'en as trop, tu meurs. D'accord. Attendez. Voilà. Merci. Je l'attendais. Hein. Je l'ai pas encore eu cette émission, ça allait pas du tout. C'était bon signe normalement. Ouais, c'est vrai. Non, si elle a pas, c'est que ça va pas. J'ai également l'expression trier sur le volet. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Bah, c'est un mec, il a coupé ses légumes et les morceaux ils étaient pourris. Alors il a pris son volet et bon, bref, voilà. Non, j'en sais rien. Cette expression, en fait, elle prend ses sources au Moyen-Âge dans l'agriculture, parce que pour trier les graines, ils utilisaient un volet. On utilisait en guise de tamis un voile qu'on appelait volet. Ah, un voile. On n'était pas sur le volet actuel, quoi. Pas du tout. C'était pas un volet sur ta fenêtre, quoi. C'est pas pareil, ouais. C'était un tamis, quoi. Mais pourquoi on a pris un voile volet? C'était un petit voile. Bah, c'était un voile qui permettait de trier les graines, en fait. Trier sur le tamis. Je propose qu'on change à partir de maintenant, on dira trier sur le tamis. Trier sur le voile, hein, si tu veux. Trier sur la passoire, éventuellement. Trier sur le voile, c'est le mot qui. Trier sur le volet, ouais. Ouais. Ça ne mange pas de pain également. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est un mec qui est allergique au gluten, mais n'importe quoi. Il n'avait pas très faim, alors du coup, il a mangé de la viande. Et du coup, il a dit, ah, c'est bon, je mange pas de pain. C'est au Moyen-Âge aussi, ça. Oui, c'est ça. Tout au Moyen-Âge. Ouais, bah, de toute façon. En fait, à l'époque, le pain, c'est l'aliment de base, c'est l'aliment qui coûte cher. Et du coup, lorsque les personnes devaient prendre une décision sur une dépense qui ne mangeait pas de pain, bah, ça voulait dire que c'était ça coûtait pas grand-chose, quoi. Du coup, ils comparaient ça au pain. Une bouchée de pain, quoi. Voilà. Mmh. Bah, ça, c'est encore une autre expression, je pense. Non, on mélange toutes les expressions maintenant. Mais peut-être que ça vient c'est du pain béni, quoi. Tu vois le mec. Ouais, c'est ça. Avec le dos de la cuillère. Voilà. De la planche sur le pain. Il gigue mon pain, quoi. Sinon, j'ai aussi tombé dans le panneau. En fait, c'est un mec. Au Moyen-Âge. Il y avait un panneau. On dirait un sketch de. C'est l'histoire d'un mec. Et ben, je comprends pas pourquoi on tombe dedans le panneau, tu vois. C'est. On peut tomber sur un panneau. Oui, c'est vrai. Dedans, c'est quoi? Panneau. Non, en fait, apparemment, ça prend ses sources dans le vocabulaire de la chasse du XVIIe siècle, où les chasseurs, ils utilisaient un filet qu'ils appelaient panneau pour attraper le gibier. Du coup, les sangliers en train de courir avec le panneau de signalisation derrière le gibier. Ouais, du coup, encore une fois, on va pouvoir changer l'expression et dire tomber dans le filet. Tomber dans le filet. Et comme ça marche. Tout aussi. Est plus clair. Enfin, pour vrai. Le coup, ça me choque moins que rentrer sur le voile, tu vois. Ouais, ça mange pas de pain. Mais alors que tomber dans le filet, ça passe, tu vois. Ouais. Bah, t'en as une dernière, après ouais, on s'arrêtera c'est, sur ce désastre. C'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. C'est un mec qui allait en Angleterre. C'est un mec qui avait un pull avec quatre manches et il disait c'est une autre paire de manches. Non, c'est pas du tout. Ça date pas du Moyen-Âge non plus, ça date du 16e siècle. Et en fait, à l'époque, les manches, elles étaient pas cousues aux habits. C'est pratique. Ça va pas du tout, les manches bleues. Il dit, c'est pas grave, j'ai une autre paire de manches. Non, mais en fait, du coup, voilà, on pouvait multiplier les styles à moindre frais et changer de manches. C'est pas pratique, t'oublies tes manches avant de partir. Bah ouais, c'est pas bon. Voilà, moi, je faisais pareil au tennis de table, des fois, je changeais de manche sur ma raquette. Mais à quel moment ils se sont dit, attendez, les gars, j'ai une idée de génie, on a qu'à les coudre. Du moment que tu la stiques pas. Sur cette transition, on va directement passer à la chronique de l'invité, puisqu'on est déjà en retard. C'est la chronique de Geoffrey. Il y a rien qui va. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et oui, du coup, pour les indébattables, on reçoit Geoffrey qui va nous parler de sport, c'est ça? Effectivement. Eh ben vas-y, c'est ton moment de gloire, Geoffrey. C'est parti. Non, en fait, voilà, moi je m'intéresse à l'histoire et au sport et j'ai voulu faire une petite chronique donc sur le sport avec quelques dates. Donc je me suis concentré sur la semaine en cours, la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes à cette semaine-là? On va commencer par un sport pour lequel j'ai une affection toute particulière. Ah, le curling. C'est passé, effectivement. T'en étais sûr. Qui a pu bien mourir le 28 novembre 1939 à l'âge de 78 ans? Je dirais que c'était un sportif. J'allais dire un autre gars, mais il est pas 78 ans. Un gars, on le connaît, genre, il est connu. Il est vraiment connu ou il faut. Alors, dans le milieu, je vais donner un indice, dans le milieu du basket, il est connu. Ouais. te dis par cœur. Il a pas 18 ans, te dis par cœur. Il est pas mort en 1939. Et en plus, oui, ils sont pas morts. Le seul basketteur vieux que je connais, c'est Michael Jordan. Quoi, mais il a pas 78 ans. Depuis le 28 novembre 1939 est décédé James Naismith, qui est tout simplement le créateur du sport, le créateur du basketball. Ah ouais, ah oui, carrément, il a créé le sport. Voilà. Donc en fait, c'était il voulait faire du sport en salle à ses athlètes parce qu'il avait une équipe d'athlétisme et en passant par différents stades, il a créé le basket tout simplement. Ah oui, le mec il a stylé. T'imagines, toi t'es là, que tu peux mettre sur ta tombe de ton épitaphe, j'ai créé le basket. J'ai créé le basket, ouais, c'est clair. Moi j'ai créé une appli qui permet de faire 2 + 2 = 4. Ouais, la calculette. Non, là, sur le CV, tu marques ça, c'est j'ai créé le basket. Ouais, j'avoue que c'est stylé, je t'en jette. On avance un petit peu encore, enfin on recule, pardon. On va jusqu'au 29 novembre 1899. On avance dans le passé, quoi. Attends, 29 novembre 1890. Non, 1899. Ah oui, il y a un club de foot qui s'est créé, c'est le FC Barcelone. Et ah ouais, FC ok. Barcelone, qui a été créé le 29 novembre 1899. Et petite particularité, ça fait quelques années qu'on a une petite rivalité entre le Barça et le Bayern. Il faut savoir que le Barça a été créé par un Allemand. Ah bah tiens, voilà, c'est la vengeance maintenant. Il a dit, tiens, je t'ai créé, maintenant je vais te dominer. Le Barça a été créé par un Allemand du nom de Hans Gamper, qui au passage a également fondé le club du FC Zurich en Suisse. Alors le mec était allemand, mais il a pas créé un club dans son pays, quoi. Il s'est dit, non, je vais aller ailleurs, en Suisse. Il fait trop froid en Allemagne. C'est ça. On va encore reculer. Le 30 novembre 1872. Donc il y a eu un match de foot. Quelle particularité avait ce match? Il n'y avait pas de lumière dans le stade. Je pense. Il n'y avait pas de ballon. Les joueurs n'avaient pas, pas de joueurs. Allez, je vais vous aider. On est un petit peu dedans avec la Coupe du Monde. On est un peu con. Ils avaient pas les manches accrochées. Bah non, je dirais que non, il n'y avait pas la clim. Ils jouaient au foot dans du sable. Attends, la Coupe du Monde. Il n'y avait pas la VAR. Ah, il n'y avait pas d'arbitre. Donc il n'y a pas la pub pendant la VAR aussi. Donc c'était tout simplement le 30 novembre 1872, le tout premier match international de football. Okay. Donc, effectivement. Qui a eu lieu entre l'Écosse et l'Angleterre à Glasgow devant 3000 personnes et qui s'est terminé par un magnifique score de 0-0. Oh non. En fait, comme il ne connaissait pas les règles, il ne savait pas qu'il fallait tirer dans le but. C'est un peu ça. Le monsieur, il m'a paniqué qu'il fallait tirer dans le but en fait. Non, c'était juste des passes. C'est trop ça. On joue au ballon, quoi. C'est le pied-balle. C'est le pied-balle. Il a deux doigts d'inventer le biche volé. Bon, bref. On va faire un tout petit quiz là pour la prochaine. Le 30 novembre, donc hier, on a fêté l'anniversaire d'un sportif français. Un cycliste, 54 ans. Richard Wierenck. Quand ça? Hier? Hier, 54 ans hier, un cycliste français. Je connais pas de cycliste, moi. Moi non plus. Le seul que je connais, il l'ai cité en fait. Laurent Jalabert. Ah si, je connais son nom. Il commande pas des trucs, lui? Non. Oui, et maintenant il est consultant pour France 2. En fait, je croyais que c'était un consultant, je savais même pas qu'il avait des cyclistes avant. Ouais, il a un beau palmarès, hein, parce que à son actif, il y a quand même champion du monde en 1997. Déjà, et c'est vainqueur du Tour d'Espagne en 1995. Ah ouais, bon palmarès. Voilà, puis il est arrivé plusieurs fois top 10 sur le Tour de France. Ça fait longtemps qu'un Français a pas gagné le Tour de France, non? Ou... J'étais pas né, donc effectivement. Ah oui, oui. Ça fait longtemps. Effectivement. En parlant de gagner, le 1er décembre 1991, la France remporte la Coupe Davis face aux États-Unis, donc la Coupe de tennis masculine, remporte 3-1. Première fois depuis combien de temps à l'époque? 15 ans. C'était la première fois. 58 ans. Genre, c'était jamais arrivé. C'était pas la toute première fois, c'était déjà arrivé. 60. Tu as dit combien? 58. Tu es presque. 56. 60. Tu t'éloignes. 57. 59. 57. J'ai eu 60. L'instinct de fou. Ouais, mais c'est moi qui t'ai dit que c'était un super grand chiffre, du coup, je t'ai inspiré, je pense. Pas sûr même. Je pense que j'ai besoin d'inspiration. Parce que j'y suis pas allé avec le dos de la paire de manches. Ok, merci. Non, ça marche pas de pain. J'ai cherché et puis j'ai pas eu. T'es pas tombé dans le panneau, c'est déjà ça. Dommage pour quelqu'un qui parle d'inspiration. C'est vrai. Je sais même pas quoi dire. Je vais mettre des bruits, voilà. Voilà. C'est pas mal. Allez, un petit fait qui s'est passé il y a 12 ans, qui a un peu un rapport avec l'époque actuelle, en tout cas avec l'actualité chaude du moment. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le monde du foot le 2 décembre 2010? Oh, c'est pas très vieux, ça. C'était 4 mois après les joueurs de l'équipe de France qui descendent du bus. Je suis pas sûr. Je sais pas. C'était en 2010, donc. C'était tout simplement le 2 décembre, on a désigné quelque chose. c'était lié à l'euro. Le 2 décembre 2010, on a décidé d'attribuer la Coupe du Monde 2018 à la Russie, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais c'est si vieux que ça? Mais oui, oui. C'est abusé, hein. Bon, en même temps, ils ont rien, donc il fallait qu'ils aient le temps de construire 50 stades. Mais t'imagines, dans 12 ans, la Coupe du Monde, ça sera là. Mais c'est fou, dans 12 ans, quoi. Et puis les gens, ils réagissent 12 ans après en disant non, mais on regardera pas la Coupe du Monde, hein. Bah oui, parce qu'à l'époque, ils avaient pas dit qu'ils allaient faire les stades climatisés, non? Ouais, je pense que. Ils avaient dit qu'ils le feront en hiver, mais après, il y a beaucoup de choses. On savait pas que des gens allaient mourir, mais après, c'est déjà pas ouf à l'époque parce que le Qatar n'est pas un pays de football. Je sais pas, est-ce que ça a été vraiment médiatisé il y a 12 ans que 12 ans plus tard, il y aurait la Coupe du Monde? Bah, ça faisait tellement longtemps que je pense que les gens, ils se disent ouais, voilà quoi, enfin on verra. C'est vrai. Bon, c'est comme attribuer les jeux asiatiques d'hiver à l'Arabie Saoudite. Oui, j'ai vu ça. Dans le désert, ça va être pratique. Passera. C'est génial. Ça va être sympa. En vrai de vrai, il y a des montagnes qui sont très froides dans l'Arabie Saoudite, a priori, mais. Ouais, est-ce que ça suffira à organiser que tous les jeux? Pas sûr. C'est pas sûr, c'est ça le truc. J'en sais rien, je connais pas très bien la géographie de l'Arabie Saoudite, mais de ce que j'ai vu, il y a quand même. Une chronique sur l'Arabie Saoudite. Ouais. Sur les meilleurs spas en Arabie Saoudite. Alors, non. Ça n'existe pas. On passe à la dernière petite anecdote, le 3 décembre 2016. Donc en décembre 2016 a eu lieu le mondial féminin de foot à nouveau, moins de 20 ans cette fois-ci. Okay. Dans un pays très connu pour sa culture foot, puisqu'il a eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bah oui, et tu connais pas le fameux joueur Tilumoup Touf qui joue en main. Effectivement. Et donc le mondial féminin U20 qui a eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en décembre 2016, la France a perdu en finale, elle a perdu 3-1 en finale de ce championnat du monde. Mais contre quel pays? Un pays improbable. Effectivement. Ouais. Le Kazakhstan. Non. Est-ce que c'est un pays proche d'ici? Non. Un pays asiatique? Okay. Asiatique. Asiatique. Le Burjikistan, j'ai envie de dire. La Thaïlande. L'Indonésie. Non. C'est... Bali. C'est un petit pays tout pourri qu'on ne va pas du tout y penser. Ah, attention quand même, déjà, un petit pays tout pourri. Tu pourrais vexer les gens. Quand tu ne viens pas, oui, les gens qui nous écoutent là-haut. Ça va, on est tranquille. Pas de nous écouter là-bas, je pense. Non, mais c'est un pays auquel tu penses quand on parle d'Asie, je pense. C'est qui a proposé Corée du Nord. Effectivement. Ah ouais, effectivement. Ah, c'est pas un petit pays. C'est un gros pays, mais on s'est pas dit que. Ouais, d'accord. La France, donc le 3 décembre 2016, a perdu le mondial féminin U20 de foot en perdant 3-1 face à la Corée du Nord en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh ben, en tout cas, on va aller vite parce que c'est déjà presque la fin de l'émission. Mais merci Geoffrey pour cette belle anecdote sur la Corée du Nord. C'est la première fois que quelqu'un dit la Corée du Nord. Je vous remercie d'avoir suivi la voisinette. Je voulais juste prendre 10 secondes pour vous dire que le samedi 10 décembre, 1, c'est mon anniversaire, et 2, il y a un spectacle que j'ai créé qui va se jouer à la MJC de Pichon. Donc il faut venir, la Coupe du Monde, on s'en fout, les Français seront éliminés avant, donc faut pas aller le voir. Voilà. Merci Geoffrey d'être venu, j'espère que ça t'a plu et que tu reviendras faire des chroniques sportives. Bah, merci de votre accueil, ça sera avec plaisir. T'as un beau petit mix, ce sport-histoire là. Ouais, j'aime bien aussi. Sur cette chronique, on va vous souhaiter une bonne soirée et on revient dans 14 jours le 15 décembre pour la dernière avant la nouvelle année. Ciao, ciao. Salut.